And now some more numbers. Remember which floor George's hotel room is on? C'est au troisième étage. It's on the third floor. Here are the French words for first, second, fourth, and fifth. Repeat each one after you hear it the second time. La deuxième fois. Nous commençons. Second. Deuxième. Deuxième. Fourth. Quatrième. Quatrième. Fifth. Cinquième. Cinquième. And finally, two versions of the word for first. Premier. And première. You use premier when it refers to something masculine such as un problème. A problem. For example, le premier problème. And you use première if it refers to something feminine, such as une rue, a street. La première rue. Listen to each form again and repeat. Premier. Première. Première.